Et c'est OX aka Love, pauvre cash faux. Trois couplets pour embaucher cash tago. Tes potes, ta caisse, tes sacs, on te laisse les gosses pour week-end, on va à Puerto Rico. On prendra le cram pour aller manger des frites. Et vite ton gars et tout, kalala des drames. Barman, Coca-Cola pour la gobra du Black Mafioso. Même tes mèches pourries me charment, jamais tu n'échapperas à l'opéra. Tu Black Pavarotti, Black Barry White. Pas de carotte quand je te parle à What Baby. Ma faute, je suis une superstar. Squatte les grands restos sans costard. Billboard, Miri, Minique, tous 5 Oscars. Pas les conneries sorties qui font gollerie. La go qui me fout la go, elle fait cocori. Coli, encore je reste poli. Move your body. Je suis le gus qui restera chaste jusqu'à ce que tes frisques s'effacent. C'est un, c'est fesses, t'es trop sexe. J'existe le droit dessus, t'es ma lady. Oxmo, il est Ricard, Châtelet, nous deux, Jacuzzi, Cognac et Bougie, un bûcheron, tu bras du bois pour la cheminée minée. Tu m'appelleras Titi, toi mon gros minet. Mon kiki sera pour ton gros minou minou. Appelle-moi Cookies, ton pamito, pépito, Michoco. Maintenant tu veux me croquer, alors je suis, j'ai trop de style, je suis fait les rimes Rockefeller. Je suis Pinard Ménard, en plus je suis criminal minard. J'ai trop de meufs, j'ai pas besoin de toi. T'es là chaque samedi, ma copine me l'a dit. Normal, elle rêve de moi, tout comme toi demain soir. À croire que tu ne dors jamais, jamais. C'est ta faute, t'es le Freddy Krueger féminin. Carte de crédit, usée sans prix. Peut-être mais demain je serai tellement riche que tu m'appelleras Bibi. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smoke Gucci. Don't smo